stress. Je suis loin de cette course à la monde qui vous agresse. Je n'échangerai pas mes taquins contre vos rames de métro. Pour tous mes détaquins, c'est vrai que j'en ai déjà des deux trop. J'habite à la campagne et je suis loin de tout ce stress. Provincial et fier de l'être, j'habite à la campagne et je vois bien que ça t'embête. Je suis loin d'être attiré par vos nuits strass et paillettes, car chez nous on ne juge pas un homme sur son paraître. Tu critiques d'où je viens, mais en vrai qu'est-ce que t'en sais? Car les seules chances que tu connais, ce sont les Champs-Élysées. Tu as peur de l'inconnu, c'est bien ce que je pensais, mais moi je suis fier de là où je suis né. Again, again, oh, oh, oh. J'habite à la campagne et je suis loin de tout ce stress. Loin de cette course à la monde qui vous agresse. Je n'échangerai pas mes taquins contre vos rames de métro. Pour tous mes détaquins, c'est vrai que j'en ai déjà des deux trop. J'habite à la campagne et je suis loin de tout ce stress. Entouré de verdure, plus proche que toi de la nature. Je ne changerai pas de région car ici j'ai tout ce qu'il me faut. Et une chose est sûre, la vie m'y semble moins dure. Je préfère être au contraire que d'être enfermé dans le métro. Et entouré de grisailles et de béton, est assombri comme dans une prison. Chez nous la joie de vivre prime sur les moments de déprime. Il fallait que je l'exprime. J'habite à la campagne et je suis loin de tout ce stress. Je suis loin de cette course à la monde qui vous agresse. Je n'échangerai pas mes accords contre vos rames de métro. Pour tous mes désaccords, c'est vrai que j'en ai déjà des deux trop. J'habite à la campagne et je suis loin de tout ce stress. Tu nous regardes de haut avec ton air supérieur. Des minutes à toi pour nous ce sont des heures. Tu ne prends pas le temps de vivre, tu passes à côté des meilleurs. Et après tu te plains de pas connaître le bonheur. J'aime les balades en forêt, la Bretagne et ses vallées, la beauté de la Méditerranée, les Alpes, les Pyrénées et les montagnes enneigées, ainsi que l'herbe de nos frais. Mais ce ne sont pas mes préférés. J'habite à la campagne et je suis loin de tout ce stress. Je suis loin de cette course à la monde qui vous agresse. Je n'échangerai pas mes taquins contre vos rames de métro. Pour tous mes détracteurs, c'est vrai que j'en ai déjà des deux trop.